C'est l'argent du crime qui corrompt tout. C'est l'argent du crime qui entretient la peur, qui empêche les gens de parler. C'est l'argent du crime qu'il faut combattre. On sait maintenant qui sont les grossistes en blanche. Intouchable comme la Maison Blanche, qui peut déclencher à tout moment une avalanche. Ici tu manies la balle mais t'as pas gagné le match. Dis-moi qui tient le manche, dis-moi qui possède un ranch dans le Dakota. Frère, ici la merde depuis qu'on grade ta Kodak. J'ai dans la bouche un goût amer, tout à travers à chaque contact. Mais nique sa mère, ouais. De plus en plus sévère, la vie une touze couze. Persévère même sous les coups de blues, afin de persévère le vrai. Ce que t'as toujours conseillé, un persévère, la droiture. Bienvenue en France, ici la gauche comme la droiture. Le pays de mon enfance, un champ de bataille, c'était à droite, tire. Toujours prêt à partir, génération martyr. À chaque coin de rue, les jeunes en ont martyr. Sous des gros ouais, chien enragé, mec cramé, seringue. Usagé, Clodo Canet, cocaïne, PCP, héroïne, rien de clean. Quand y'a une OD, t'entends pas parler. Braco à main armée, attaque de fourgon blindé. Plus de préliminaires sur le terrain titulaire. Là où l'état polulaire, acteur de polar, fun cellulaire dans une cellule de tola. On sait maintenant qui sont les grossistes en blanche. Intouchable comme la Maison Blanche, qui peut déclencher à tout moment une avalanche. Ici tu manies la balle mais t'as pas gagné le match. Ils veulent nous liquider, la masse a signé. Je marche avec une arme en harmonie avec le décor. L'argent que j'amasse assis ma pèse. Et tant de ces mômes que ça fascine. Entre deux ma salle à fumer m'assassine quand je voulais survivre. La vie s'efface et s'y m'efface. J'entends parler du voile des faits néfastes. On se fait couper les vifs, parqués dans les rats à faire tourner l'horloge. Vie c'est bénéfice, tous des gourmands où vais-je élever mes fils. Dis-moi qui manie la France, qui manie la presse. Ici c'est vice et manigance, les hoods ils tirent les ficelles. On sait maintenant qui sont les grossistes en blanche. Intouchable comme la Maison Blanche, qui peut déclencher à tout moment une avalanche. Ici tu manies la balle mais t'as pas gagné le match. On sait maintenant qui sont les grossistes en blanche. Intouchable comme la Maison Blanche, qui peut déclencher à tout moment une avalanche. Ici tu manies la balle mais t'as pas gagné le match. Formé à l'école des bâtards pour déformer les pattes et ricoter les patates, t'écarter les pattes. Tasse un œil sur le décolleté en espérant des badasses. Profil catastrophique pour les paillasses. Écho illégal face aux flics, mes troupes sont pas dans le cadastre. Pas d'astre, c'est à la seringue. Ici orchestre, hors piste, port castré. C'est quand j'orchestre, star. Heureusement que t'es pas d'astreint. On encaisse piste sur ton insigne. Ça sort de la street, c'est peut-être ainsi. Check, les grossistes en blanche sont pas dans le check, pas même en planche. C'est grosse messe, pas de procès, c'est haute cesse. Loin du putain de décor, écho et prose messe. Pour les grossistes moins blancs dans le check. Check, tu sais maintenant qui sont les grossistes en blanche. Intouchable comme la Maison Blanche, qui peut déclencher à tout moment une avalanche. Tu sais maintenant qui sont les grossistes en blanche. Intouchable comme la Maison Blanche, qui peut déclencher à tout moment une avalanche. Ici.